alcool, frais de parmi foule de sentiments. Je rêve au doute, je survis, je vis l'espoir et le tourment. Je réclame un souffle de vent. Je réclame un souffle de vent. Tant de traces d'âge à préserver, de vives colères à effacer. Mais je reste un genou sous la dent. Je déteste ces habitudes que s'est forgé le temps. Les minutes, petit grain de sable, le rocher quand ça chute. Passer les minutes, petit grain de sable, le rocher quand ça chute. Laissez passer les minutes, petit grain de sable. Passer les minutes, petit grain de sable, mes rochers quand ça chute.